Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la quatrième partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle vague du fantastique au tournant des années 2000 et de la thématique et des thèmes. Si le temps nous le permet, nous traiterons d'autres thèmes tous aussi intéressants que les autres. Commençons tout de suite par la nouvelle vague du fantastique au tournant des années 2000. Dans les années 90 et 2000, le fantastique se renouvelle par ses thèmes et son traitement. Riche d'une longue tradition de films de fantômes, le Japon marque la filmographie du fantastique avec Ring d'Hideo Nakata et Kyo de Kiyoshi Kurosawa. L'Espagne revient sur le devant de la scène du fantastique en produisant des films dans la lignée des films asiatiques abordant un fantastique inspiré notamment par le cinéma gothique américain des années 60 et 80 et des films de fantômes et de diables comme Les Innocents de Jack Clayton ou L'Enfant du Diable de Peter Medak. Ces films produits par des majors espagnols avec une nouvelle génération de réalisateurs vont rencontrer un large succès international. Le fantôme est le thème prépondérant présent dans La secte sans nom de Jaume Balagueró ou encore L'orphelinat de Juan Antonio Bayona. D'ailleurs, petite parenthèse pour un petit avis personnel, je vous conseille fortement le film L'orphelinat si vous aimez les films avec une ambiance pesante et intrigante. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse. Inspiré par le tour d'écrou, Alejandro Amenábar réalise en 2001 le film intitulé Les Autres, dont le récit vise le marché international. D'autres thèmes sont abordés dans le fantastique espagnol. Dans cet autre thème, nous pouvons citer le diable et la sorcellerie. Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, avec Le Labyrinthe de Pan et L'Échine du Diable, produit en Espagne, contextualise ses récits fantastiques dans le cadre de la guerre d'Espagne. Avec Rec de Paco Plaza et Jaume Balagueró et Noudou d'Elio Quiroga, le fantastique espagnol se situe dans le réel en reprenant, pour Rec, le principe de la caméra subjective qui avait fait le succès du film intitulé Le Projet Blair Witch, tandis que Noudou intègre des extraits de films documentaires. Les États-Unis s'inspirent des thèmes du fantastique japonais et espagnol avec Sixième Sens de M. Night Shyamalan, film évoquant l'histoire d'un enfant qui voit des fantômes et qu'un psychologue joué par le célèbre acteur Bruce Willis est CDD. Passons maintenant à la prochaine partie de cette chronique dans laquelle nous allons nous intéresser à la thématique et aux thèmes qui sont le plus souvent abordés dans le film du genre. Il faut savoir que l'ensemble des thèmes du cinéma fantastique est emprunté à la littérature du même genre car il reprend, on va dire, le même cadre imaginaire. S'inspirant de la typologie de l'ouvrage intitulé « Introduction à la littérature fantastique » de l'auteur français d'origine bulgare Tsvetan Todorov, qui définit le genre en disant « Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturelle », Alain Pelosato divise la thématique en deux groupes séparés et asymétriques. Le premier groupe est celui du « je » et le deuxième est celui du « tu » qui renvoie à la confrontation du sujet avec l'objet. Le jeu est en effet en rapport avec l'isolement de l'homme confronté à un monde dont aucun intermédiaire n'est défini, tandis que le tu renvoie à un intermédiaire et à son opposition avec le jeu. De ces deux groupes, Pelosato définit donc un fantastique dit psychologique, lié aux histoires de possession et d'inconscient, qui caractérisent des films autour du diable ou des fantômes, et ajoute un fantastique dit social, en rapport avec les histoires de créatures et d'environnements inconnus. Gérard Lenne, quant à lui, propose une approche plus terminologique en divisant le fantastique en deux voies, la voie A et la voie B, correspondant à une combinaison de thèmes qui constituent les principaux mythes. Il distingue, par exemple, le dédoublement, le gigantisme, le bien et le mal ou l'invasion en tant que thème, tandis que les vampires, les extraterrestres ou King Kong sont des mythes résultant de ces thèmes. La voie A concerne un danger inconnu de l'homme qui finit par envahir son environnement familier, tandis que la voie B est un danger créé par l'homme et qui échappe à son contrôle. À la différence de Todorov, ces deux voies sont parallèles et symétriques. Pour illustrer la voie A, Lenne prend l'exemple du vampirisme, où un danger venu de l'extérieur finit par prendre possession de celui qui est confronté, alors que la voie B est illustrée par le mythe de l'apprenti sorcier que l'on retrouve dans l'histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde et dans celle de Frankenstein. À partir de cette typologie découlent les différents thèmes abordés dans le cinéma fantastique dont nous allons parler tout de suite. Le bien, le mal et la possession. L'opposition du bien et du mal et les thèmes de la possession maléfique s'inscrivent à l'origine dans la littérature française des sens romantiques qui reprend à son compte la plupart des mythes hérités du Moyen-Âge, période de fortes croyances religieuses. Plusieurs mythes du fantastique font appel à ce thème. Nous pouvons citer l'exemple du vampire, qui ne peut être vaincu que par les instruments de la religion chrétienne, représentant le bien contre le mal, comme le crucifix ou l'eau bénite. Pour le loup-garou, lui ne peut être tué que par une balle en argent bénite. La possession héritée de la sorcellerie est aussi liée à d'anciennes croyances médiévales qui sont reprises dans les films de démonologie et de satanisme. Ce thème est présent dans le film « Les Vierges de Satan » de Terence Fisher ou encore dans « Rosemary's Baby » de Roman Polanski. Le film majeur qui représente bien cette histoire de possession est « L'Exorciste ». Le cinéma aborde aussi une autre conception d'un mal inexpliqué d'inspiration psychanalytique lié à la perversité, souvent en rapport avec l'enfance. Il se traduit dans des films comme « La mauvaise graine » de Mervyn LeRoy ou dans « Les Innocents » de Jack Clayton, montrant des enfants qui, sous des dehors angéliques, peuvent commettre des actes sadiques. Un autre thème abordé est le double et le dédoublement. Le thème du double et du dédoublement est fondamental dans le fantastique. Pour Gérard Lenne, il s'agit davantage d'une structure thématique, tous les mythes fantastiques étant basés sur une série de dualités. Le vampire peut être vu comme le double du mortel qu'il était avant sa transformation. De même chez le loup-garou, coexistent deux personnalités, celle de l'homme avant sa métamorphose et le monstre qu'il devient les nuits de pleine lune. Le thème du double renvoie aussi au moi intérieur et est symbolisé par le reflet dans le miroir qui devient autonome, illustré dans le film Les frissons d'angoisse, sorti en 1975, ou à travers un portrait qui prend vie ou se déforme, illustré par le film Le portrait de Dorian Gray. L'auteur qui popularise le thème du double est Robert Louis Stevenson avec son roman, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui a fait l'objet d'un très important nombre d'adaptations cinématographiques. Si la plupart de ces adaptations insistent sur la nature monstrueuse de Mr. Hyde ou sur l'intrigue policière, trois réalisateurs accentuent le caractère freudien avant l'heure du récit. Terence Fisher avec Les deux visages du Dr. Jekyll, qui montre un Mr. Hyde jeune et beau face à un Jekyll insignifiant. Jean Renoir avec Le testament du Dr. Cordelier, dont il épure le récit de ses accessoires pour mettre en évidence la dualité Opal-Cordelier, et Jerry Lewis avec Dr. Jerry et Mr. Love, qui reprend le schéma de Terence Fisher en faisant de Buddy Love, double d'un professeur myope et faible, un chanteur de charme prétentieux et fascinant à la fois. Un autre thème abordé est la monstruosité et l'autre. La monstruosité est une constante du fantastique qui renvoie à un être représentant l'inconnu, une créature dont l'apparence symbolise la peur ou le danger. Le monstre revêt plusieurs formes et a plusieurs origines. Il est une entité inconnue, venue d'ailleurs comme dans le cinéma de science-fiction. La communauté humaine est alors confrontée à un danger inconnu qui menace son existence et déstabilise son environnement, d'autant plus amplifié quand l'environnement en question est confiné ou clos. La monstruosité peut aussi être le fruit d'une transformation subie ou incontrôlée, ou une expérience qui aboutit, contre la volonté du savant, à un résultat monstrueux. Le monstre est aussi un élément social qui renvoie à la différence et que son apparence dérange ou choque. Cette approche de la monstruosité est illustrée par Todd Browning dans ses films L'Inconnu et La Monstrueuse Parade, où le réalisateur met en scène de véritables personnes avec de véritables handicaps. Elephant Man se base sur l'histoire de Joseph Merrick, un homme avec une grosse difformité et qui a été exhibé dans les foires de Londres victoriens de la fin du 19e siècle. Un autre thème abordé est le gigantisme. Par son caractère spectaculaire, le gigantisme est l'un des thèmes souvent abordés dans le cinéma fantastique. Symbolisant la puissance, le pouvoir, l'image du père, il renvoie aux mythes ancestraux des géants de la mythologie ou de la religion. Le cinéma propose plusieurs approches du gigantisme. En premier lieu, celle du monstre datant d'avant le déluge, auquel l'homme est confronté notamment dans 1 million d'années avant Jésus-Christ et voyage aux entrées de la Terre, où des hommes combattent des dinosaures. La créature gigantesque peut aussi n'être qu'un animal, qu'une expérience scientifique a rendu plus grand que nature, ce qui constitue la trame narrative du film Tarantula. Au lieu d'être une confrontation de l'homme avec des êtres dont les dimensions dépassent l'échelle humaine, ironiquement, le gigantisme peut aussi être le résultat d'une miniaturisation qui est alors confrontée à un environnement devenu gigantesque. C'est le scénario d'un des classiques du cinéma fantastique, L'homme qui rétrécit, qui raconte l'histoire d'un homme qui, après le passage d'un nuage radioactif, devient de plus en plus petit et son environnement de plus en plus dangereux au fur et à mesure qu'il s'agrandit autour de lui. Un autre thème abordé est la bestialité. La bestialité renvoie aux histoires confrontant l'homme et la bête, thème classique depuis la mythologie grecque et les contes de fées. Il peut s'agir du rapport de l'homme avec sa propre animalité, vu comme une perception inconsciente d'un moi imparfait ou inquiétant, se combinant avec l'anthropomorphisme. Un des films qui aborde cette approche thématique est L'île du docteur Moreau et ses remakes, illustrant l'échec d'un savant fou à vouloir rendre humains des animaux et constatant le triomphe de la nature sur la science. Dans King Kong, c'est le thème classique de la bête convoitant la belle qui est abordée, à travers l'histoire d'un singe gigantesque qui éprouve des sentiments pour une femme captive dans une île inconnue. Un autre film représentatif est La Belle et la Bête, qui était plus ancré vers le merveilleux et la féerie. Le monstre bestial est interprété comme le viol souhaité et comme la référence freudienne au singe velu et à l'analogie entre la bête et le sexe. Toute une série de films de série B décline le mythe autour de créatures convoitant des femmes à l'exemple de l'étrange créature du lac noir et Jack Arnold ou l'homme araignée de l'île du sadique. Un autre thème abordé est la folie et le délire. C'est un thème surtout abordé dans le cinéma fantastique social. Le délire renvoie à la perception confuse de l'environnement par le héros. Le film Total Recall en est une illustration parfaite à travers l'histoire d'un personnage joué par Arnold Schwarzenegger en prise avec plusieurs personnalités résultant d'une manipulation. David Lynch privilégie ce thème dans plusieurs de ses films, de Eraserhead à Lost Highway, mais aussi dans Twin Peaks. John Carpenter l'aborde dans L'Antre de la Folie. Un autre thème abordé est la métamorphose et la mutation. C'est un thème classique de la littérature basé sur l'identité, le changement, depuis Ovid jusqu'à Kafka, en passant par le mythe de Faust. La métamorphose trouve bon nombre d'illustrations dans le cinéma fantastique et de science-fiction. Plusieurs mythes sont basés sur la métamorphose, comme le vampire, le loup-garou. Il est aussi le résultat d'expérimentations du savant fou, à commencer par Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ainsi que l'homme invisible. La métamorphose au cinéma se décline sous plusieurs formes. L'hybridation entre un homme et un animal, hormis le loup-garou, est aussi illustrée par la féline et l'homme léopard de Jack Turner, la femme reptile de John Gilling. Deuxième forme de la métamorphose, la mutation, privilégiée dans le cinéma de science-fiction et de super-héros, est souvent le résultat provoqué ou subi d'expérimentations diverses et incontrôlées. La métamorphose est aussi une métaphore du changement que le corps subit durant sa croissance, telle qu'elle est illustrée dans des films de super-héros comme X-Men Le Commencement ou encore Spider-Man, ou bien peut faire référence à une maladie incurable comme dans La Mouche, perçue comme une allusion au sida. Dernier thème abordé pour la chronique d'aujourd'hui, l'invasion. Le thème de l'invasion est commun aux films d'horreur, se traduisant par la horde de zombies ou à l'invasion d'animaux, comme dans Les Oiseaux, et aux films de science-fiction dont La Guerre des Mondes constitue le modèle de base. Le film L'invasion des profanateurs de sépultures propose une nouvelle approche du thème avec l'infiltration de créatures de manière invisible, finissant par envahir toute la planète. C'est ainsi que se termine cette cinquième partie sur le cinéma fantastique. Dans la sixième partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des formes et conventions du genre et de quelques figures et archétypes, car il y en a un bon nombre. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Christoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Game Ozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore, comme d'habitude, à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serons ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.